petit bâtard, j'suis ton MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. Si c'est le boss, on verra qui ira lui mettre. Ton MC de merde, fait que se mentir à lui-même. Ce que je vis, c'est pas super, j'arrive au quartier en Uber. Fais gaffe, tu sais qu'une parole peut déclarer une guerre. Ce sera pour des regards, sans pitchasse mais des revers. Aujourd'hui, je suis remonté, frangin, un serment et un gros verre. Je compte pas ce que j'ai offert, je compte plus les bars sur le terre. Teste-moi, ça fait peur, subit d'un bec, même. C'est qui là, c'est Joule, je me lève à l'heure des poules. Je fais le signe du loup et pendant que du shit, ça est cool. Fais froid, j'ai mis la mille et je fais un tour en FZ6. J'ai la guine, j'ai même niqué la capote du MC. J'suis alcoolisé, là, je cible les poules. Vous parlez de moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête qui tourne, là je suis saoul. Ils m'ont tiré vers le bas, voulant me faire couler. J'suis alcoolisé, là je cible les poules. Vous parlez de moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête qui tourne, là je suis saoul. Ils m'ont tiré vers le bas, voulant me faire couler. Elle m'a charmé cette fille à les yeux revolver. Petit, j'allais en scout faire des plans devant lycée Colbert. Le poteau voulait une photo, on s'est arrêté au feu vert. Jusqu'à maintenant j'ai rien dit, mais gros arrêtez de me refaire. Interpellation, Joel, tu penses à ta fellation. J'pense qu'à une chose, niquer ce poteau qu'a fait l'action. Pour tirer dans la rue, y'a pas de formation. Suffit d'un go, d'une adresse, d'une information. J't'ai blessé sans prétention. Au final, j'suis bien quand j'passe à mes potes en détention. J'fais pas le gros, moi quand j'passe à location. Inconscient, quand j'ai bu, j'fais des accélérations. J'suis alcoolisé, là je cible les poules. Vous parlez de moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête qui tourne, là je suis saoul. Ils m'ont tiré vers le bas, voulant me faire couler. J'suis alcoolisé, là je cible les poules. Vous parlez de moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête qui tourne, là je suis saoul. Ils m'ont tiré vers le bas, voulant me faire couler. Gros pétard en terrasse, ça se retrouve à la place avec les derniers de la classe. Pas one, il faut que ça brasse. Toujours à l'affût d'un faux, d'une voiture chelou. Tous les jours, nous on fait deux tours avant de rentrer chez nous. J'suis avec mon Biar, Elias, Tarek, Moussé, Wassim. Et à midi, 1-3-5, on n'oublie pas les racines. La rue, c'est couteau, 9 millis, petite calage. Traîne pas la cita, pas l'âge, j'ai marqué un peu le milli sur les ganaches. Alcoolisé, j'esquive les poules. Vous parlez de moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la tête qui tourne, là je suis saoulé. Ils m'ont tiré vers le bas, voulant me faire couler. J'suis alcoolisé, là j'esquive les poules.